3, 2, 1, come on! Come on! And clap your hands! Ok, je crois que tu vas trouver les accords. Ouais, c'est bien. It's good. Si souvent en vacances je plane de Paris à Mexico, destination tropicale, soleil de Rio, dans cet aéroplane. Tout décolle un peu trop tôt. Je délire sous les étoiles. Je rêve un peu mélo. souvent vacances, je plane. De Paris à Mexico, destination tropicale. Le soleil de Rio. Plus de nuages, plus d'horizon. Sous la lune, mon cœur s'endort. Fin du mirage, dans un frisson. Encore quelques heures à bord. Dans cet aéroplane, tout décolle un peu trop tôt. Et je sens l'odeur du méthane envahir mon cerveau. Fin du mirage, dans un frisson, encore quelques heures à bord. Non, les vacances, c'est pas la mort. Je veux pas quand je plane. De Paris à Mexico, destination tropicale. Le soleil de Rio.